Le 10 septembre. Cher papa, il est parti et il nous manque. Quand vous êtes habitué à certaines personnes, certains endroits ou certaines manières de vivre, et que subitement vous en êtes privé, vous éprouvez vraiment une sensation rongeante de vide. Maintenant, la conversation de Madame Semple me fait l'effet d'une nourriture insuffisamment assaisonnée. Le collège ouvre dans 2 semaines et je serai contente de recommencer à travailler. J'ai travaillé pas mal cet été. 6 petites nouvelles et 7 poèmes. Tous ceux que j'ai envoyés au magazine me sont revenus avec la plus courtoise célérité. Mais cela m'est égal. C'est un bon apprentissage. M. Jervy les a lus. Il avait apporté le courrier et je ne pouvais l'empêcher de tout savoir. Il a dit qu'ils étaient abominables. Il prouvait que je n'avais pas la moindre idée de ce que j'avais voulu traiter. M. Jervy ne permet pas à la politesse de masquer la vérité. Mais du dernier que j'ai confectionné, un simple petit croquis de la vie de collège, il a dit que ce n'était pas mal. Il l'a fait dactylographier et je l'ai envoyé à un magazine. Il y a 2 semaines de cela, peut-être prend-on le temps de la réflexion. Si vous voyez le ciel en ce moment, une couleur orange des plus curieuses qui s'étale partout. Nous allons avoir de l'orage. Cela vient juste de commencer, il tombe des gouttes énormes et toutes les persiennes claquent. J'ai dû courir fermer les fenêtres pendant que Carrie volait au grenier en portant des bassines pour mettre sous les endroits où le toit fait haut. Et puis, comme j'allais me remettre à écrire, je me suis rappelé avoir laissé sous un arbre dans le verger un coussin, une couverture, un chapeau et les poésies de Matthew Arnold. Je me suis précipité trop tard, elles étaient toutes trempées. La reliure rouge des poésies avait déteint sur les pages. Les galets de Douvres seront à l'avenir baignés de vagues roses. Un orage à la campagne, c'est toute une affaire. Il nous fait penser à tant de choses qui sont dehors en train de s'abîmer. Jeudi. Papa, papa, écoutez-moi cela. Le facteur vient d'arriver avec 2 lettres. Premièrement, ma nouvelle est acceptée, $50. Alors, je suis un auteur. Deuxièmement, du secrétaire du collège. Je vais avoir une bourse pour 2 ans qui couvrira les frais de nourriture et d'enseignement. Cette bourse a été fondée pour récompenser un progrès marqué en anglais et une excellence générale dans les autres branches. Elle m'a été décernée. Je l'avais sollicitée avant de partir, mais sans aucun espoir de l'obtenir à cause de mon mauvais travail de première année en maths et latin. Mais il faut croire que je me suis rattrapée. Je suis très contente, papa, parce que maintenant, je ne serai plus une si grande charge pour vous. Ma pension de chaque mois me suffira, et peut-être même pourrai-je la gagner en écrivant, en donnant des leçons ou en faisant n'importe quoi. Je voudrais tant être rentrée et commencer à travailler. Toujours à vous, Jerusha Abbott, auteur de « Comme les sophomores gagnèrent la partie », en vente dans tous les kiosques, prix 10 cents. Le 26 septembre, cher papa Faucheux, de retour au collège et monté d'une classe. Notre cabinet de travail est plus agréable cette année, au midi, avec 2 grandes fenêtres et meublé. Julia est arrivée il y a 2 jours, disposant de sommes illimitées et prise d'une furieuse envie d'installation. Nous avons du papier neuf au mur, des tapis d'Orient et des chaises en acajou, pas en simili. C'était bon pour l'année dernière. C'est magnifique, mais je n'y suis pas à l'aise. J'ai toujours peur d'une tache d'encre. Hé, papa, j'ai trouvé votre lettre en arrivant. Pardon, je veux dire celle de votre secrétaire. Voulez-vous avoir la bonté de m'expliquer d'une façon compréhensible pourquoi je dois refuser cette bourse? Je ne saisis pas du tout vos objections, mais en tout cas, cela ne servira à rien de vous opposer, car je l'ai déjà acceptée, et je ne changerai pas d'avis. Voilà qui semble un peu impertinent, mais ce n'est pas mon intention. Je suppose que, puisque vous avez commencé à faire mon éducation, vous aimeriez à la terminer et y mettre un beau point final sous la forme d'un diplôme. Mais placez-vous un instant à mon point de vue. C'est toujours à vous que je devrai mon éducation, même si vous n'en faites pas complètement les frais. Seulement, ma dette ne sera pas tout à fait aussi lourde. Je sais que vous ne désirez pas que je vous rembourse, mais néanmoins, je voudrais bien le faire si cela m'est possible. Et l'arrivée de cette bourse rend ma tâche plus facile. Je comptais passer le reste de ma vie à liquider mes dettes, mais maintenant, il me suffira d'y consacrer la moitié de ce reste-là. J'espère que vous comprenez ma situation et que vous ne m'en voudrez pas. J'accepterai toujours avec reconnaissance la pension que vous me faites. Il faut une pension pour vivre à la hauteur de Julia et de son mobilier. Je regrette qu'on ne lui ait pas donné des goûts plus modestes ou que nous n'ayons pas chacune notre chambre. Ceci n'est pas une lettre. J'avais l'intention de vous écrire très longuement, mais j'ai ourlé 4 rideaux et 3 portières. Je suis contente que vous ne voyiez pas la longueur des points. Fais les cuivres de notre bureau avec de la pâte dentifrice. Travail très pénible. Scier du fil de fer avec mes petits ciseaux de manucure. Déballer 4 caisses de livres, mis dans les armoires 2 malles pleines de robes. Est-il croyable que Jaoucha Abbott ait 2 malles pleines de robes? Mais c'est ainsi. Et entre-temps, souhaitez la bienvenue à 50 bonnes amies. Le jour de la rentrée est une vraie joie. Bonne nuit, papa chéri, et ne vous fâchez pas parce que votre pupille veut travailler pour elle-même. Elle est en train de devenir une petite femme très énergique, pleine de décision et qui, c'est bien votre faute, a pris goût à la parure. Affectueusement, Joujou. Le 30 septembre. Ah ça, cher papa, n'en aurez-vous jamais fini avec cette question de bourse? Je n'ai jamais vu un homme aussi entêté, opiniâtre, déraisonnable, tenace, bulldog, incapable de voir les choses d'après les points de vue d'autrui. Il vous semble préférable que je ne continue pas à accepter quoi que ce soit des étrangers. Étrangers, et vous, qu'êtes-vous donc, je vous prie? Y a-t-il quelqu'un au monde que je connaisse moins que vous? Je ne vous reconnaîtrais même pas si je vous rencontrais dans la rue. Si vous aviez été une personne raisonnable, saine d'esprit, écrivant de bonnes lettres réconfortantes et paternelles à votre petite Joujou, et si de temps en temps vous étiez venu lui tapoter les joues et lui dire que vous étiez content d'elle, alors peut-être n'aurait-elle pas manqué de respect à votre grand âge, et aurait-elle satisfait au moindre de vos désirs, comme la fille obéissante qu'elle aurait dû être. Étranger, vous habitez une maison de verre, monsieur Smith. Puis, cette fameuse bourse n'est pas un don. C'est une sorte de prix. Je l'ai gagné par mon travail. S'il n'y avait eu personne d'assez fort en anglais, le comité n'aurait pas décerné la bourse. Il y a des années où on ne la donne pas. Aussi, mais à quoi bon discuter avec un homme? Vous appartenez, monsieur Smith, à un sexe qui manque de logique. Pour faire entendre raison à un homme, il y a 2 méthodes seulement. Il faut ou le cajoler, ou bien être désagréable. J'aurais honte de cajoler les hommes pour obtenir ce dont j'ai besoin. Alors, je suis bien forcée d'être désagréable. Je refuse, monsieur, de renoncer à la bourse. Et si vous faites encore des embarras, je refuse aussi d'accepter plus longtemps ma pension. Mais je m'userai jusqu'à la corde à faire la répétitrice avec les stupides élèves de première année. Voilà mon ultimatum. Je vais même plus loin. Puisque vous avez si grand peur que quelque autre soit privé d'éducation par le fait que j'accepte cette bourse, je connais une manière de tout arranger. Vous pouvez employer l'argent que vous auriez dépensé pour moi à élever une autre petite fille de l'asile John Grier. N'est-ce pas une jolie idée? Seulement, papa, donnez à la nouvelle petite fille toute l'éducation que vous voudrez, mais ne lui donnez pas plus d'affection qu'à moi. J'espère que votre secrétaire ne sera pas froissé parce que je fais si peu cas de ses suggestions. Mais s'il n'est pas content, tant pis pour lui. C'est un enfant gâté, papa. Jusqu'ici, je me suis toujours humblement plié à ses caprices. Mais cette fois-ci, j'ai l'intention de me montrer ferme. À vous, dans une résolution arrêtée, absolue, irrévocable, allant jusqu'à la fin des siècles. Jaoucha Abbott. Le 9 novembre. Cher papa Faucheux, je suis allé aujourd'hui à la ville pour acheter une bouteille de cirage, des cols, de l'étoffe pour une nouvelle blouse, un pot de crème à la violette et un pain de savon de Castille, tous objets de première nécessité. Je ne pouvais pas vivre un jour de plus sans les avoir, mais lorsque j'ai voulu payer ma place dans le tram, je me suis aperçu que j'avais oublié mon porte-monnaie dans la poche de mon autre jaquette. Alors j'ai dû descendre, prendre le tram suivant, et je suis arrivé en retard pour la gymnastique. Terrible de manquer de mémoire et d'avoir de jaquette. Julia Pendleton m'a invité à passer les fêtes de Noël chez elle. Qu'est-ce que vous dites de cela, monsieur Smith? Imaginez-vous Jaoucha Abbott, de l'asile John Grier, assise à la table des riches. Je ne sais pas pourquoi Julia m'invite. Elle paraît m'avoir reprise en affection ces derniers temps. À vrai dire, j'aurais préféré aller chez Sally. Mais c'est Julia qui m'a invité la première. Et si je me décide à aller quelque part, il faut que ce soit à New York et non pas à Worcester. Je suis un peu effrayée par la perspective de rencontrer des Pendleton en masse. Et de plus, il me faudra quantité de nouvelles affaires. Aussi, papa, si vous m'écrivez qu'il vous semble préférable que je reste tranquillement au collège, je m'inclinerai devant vos désirs avec toute ma gracieuse et coutumière docilité. Je lis dans mes moments perdus La vie et les lettres de Thomas Huxley. C'est une bonne petite lecture à entreprendre par intervalle. Savez-vous ce que c'est qu'un archéoptérix? C'est un oiseau. Et un stéréognathe, je crois, mais je n'en suis pas sûre moi-même, que c'est une bête monstrueuse des premiers âges, quelque chose comme un oiseau avec dents ou un lézard avec ailes. Mais non, ce n'est pas cela. Je viens de chercher dans le livre. C'est un mammifère mésozoïque. Cette année, j'ai choisi l'économie politique, sujet très fécond. Après, je prendrai la charité et la réforme. Et alors, monsieur le membre du comité, je saurai comment doit être dirigé un orphelinat. Ne trouvez-vous pas que je ferais un électeur admirable si j'avais le droit de vote? J'ai eu 21 ans la semaine dernière. Voilà un pays déplorablement imprévoyant qui n'utilise pas une citoyenne comme je le serais, bien élevée, honnête, consciencieuse, intelligente. Toujours à vous, Joujou. Le 7 décembre. Cher papa Faucheux, merci de m'avoir permis d'accepter l'invitation de Julia, qui ne dit mot consent. Quel tourbillon mondain! La semaine dernière, il y avait bal des fondateurs. C'est la première fois que nous avons pu y assister. Les élèves des classes supérieures sont seules admises. Moi, j'ai invité Jimmy McBride, et Sally a invité le camarade de chambre de Jimmy à Princeton, celui qui est venu à leur camp l'année dernière, un garçon très gentil, avec des cheveux roux. Et Julia a invité un homme de New York, pas très emballant, mais d'excellente famille. Il est allié au De La Mater, Chichester. Cela vous dit-il quelque chose? À moi, cela ne dit rien du tout. Vendredi, nos invités sont arrivés à l'heure du thé, et après, ils se sont précipités à l'hôtel pour le dîner. On dit que l'hôtel était tellement bondé qu'ils ont dû coucher tous alignés sur le billard. Jimmy McBride prétend que la prochaine fois qu'on l'invitera à une fête à notre collège, il apportera une tente des Adirondacks et la plantera dans le campus. À 7h30, ils sont revenus pour la réception et le bal de la présidente. Nos festivités commencent tôt. Nous avions préparé très à l'avance les cartes des messieurs, et après chaque danse, nous les reconduisions par groupe sous les lettres initiales de leurs noms respectifs, afin que leurs futurs partenaires puissent les retrouver sans peine. Par exemple, Jimmy McBride stationna patiemment sous la lettre M jusqu'à ce qu'on vînt le chercher. Du moins, aurait-il dû le faire, mais il se mêlait constamment au R et au S et à toutes autres lettres. Je l'ai trouvé très difficile à manier. Il s'est mis à bouder parce qu'il n'avait dansé que 3 fois avec moi. Il prétendait qu'il était trop timide pour danser avec des jeunes filles qu'il ne connaissait pas. Le lendemain, dans la matinée, nous eûmes un concert vocal. Et savez-vous qui avait écrit la nouvelle chansonnette comique? En pure vérité, c'est elle. Dites donc, papa, il me semble que votre petit enfant trouvé devient un personnage considérable. En tout cas, nos 2 journées de gaieté étaient des plus réussies, et je crois que les messieurs se sont bien amusés. Au début, il y en avait qui paraissaient très troublés à l'idée de se présenter devant 1 millier de jeunes filles, mais ils se sont vite acclimatés. Nos 2 messieurs de Princeton ont passé des moments délicieux, du moins c'est ce qu'ils ont très poliment dit, et ils nous ont invités à leur bal du printemps prochain. Nous avons accepté. Alors, papa chéri, ne faites pas d'objection, s'il vous plaît. Julia, Sally et moi, nous avions toutes 3 des robes neuves. Voulez-vous des détails? Celle de Julia était en satin crème, avec des broderies d'or, une touffe d'orchidées mauves au corsage. Un rêve venu de Paris et qui coûtait 1 million de dollars. Celle de Sally était bleu pâle, garnie de broderies persanes, ce qui faisait très bien avec ses cheveux roux. Elle n'a pas coûté tout à fait 1 million, mais elle faisait autant d'effet que celle de Julia. La mienne était en crêpe de Chine rose, garnie de malines et de nœuds de satin. J'avais un bouquet de roses cramoisies envoyé par Jimmy McBride. Sally lui avait indiqué la nuance. Nous avions toutes des souliers de satin, des bas de soie et des écharpes assorties. Vous devez être profondément impressionné par ces détails de mode. Comme la vie de l'homme apparaît incolore et vide, papa, quand on pense que la mousseline de soie, le point de Venise, la broderie et la dentelle d'Irlande ne sont pour lui que de 20 mots. Tandis que la femme, qu'elle s'intéresse au bébé ou aux microbes, ou au mari, ou à la poésie, ou au domestique, ou au parallélogramme, ou au jardin, ou à Platon, ou au bridge, s'intéresse essentiellement et toujours à la toilette. Il suffit d'une touche donnée par la nature pour faire du monde entier une seule famille. Ceci n'est pas de moi, je l'ai pris dans une pièce de Shakespeare. Mais poursuivons. Voulez-vous que je vous dise un secret que je viens de découvrir? Et voulez-vous me promettre de ne pas m'accuser de vanité? Alors écoutez, je suis jolie. Je le suis, vraiment. Je serais trop sotte de ne pas le savoir quand j'ai 3 miroirs dans ma chambre. une amie. Post-scriptum. Ceci est une de ces terribles lettres anonymes comme on en lit dans les romans. Le 20 décembre. Cher papa Faucheux, je n'ai qu'un instant, car j'ai deux classes à suivre, une malle et une valise à faire, et le train de 4 heures à prendre. Mais je ne pouvais partir sans envoyer un mot pour vous dire quel plaisir m'a fait mon cadeau de Noël. Les fourrures, le collier, l'écharpe Liberty, les gants, les mouchoirs, les livres et la petite bourse sont adorables. Et vous êtes plus adorables que tout. Mais papa, vous avez tort de me gâter ainsi. Je ne suis qu'un petit être humain, une jeune fille. Comment voulez-vous que je garde ma ferme résolution de faire une carrière sérieuse si vous me détournez de mon chemin avec de telles frivolités? J'ai maintenant de fortes raisons de savoir quel est celui des membres du comité qui offre tous les ans l'arbre de Noël et les glaces tous les dimanches. Il n'avait pas de nom, mais par ses œuvres je le connais. Vous méritez d'être heureux pour toutes les bonnes choses que vous faites. Au revoir et très joyeux Noël, toujours à vous, Joujou. Post-scriptum, je vous envoie moi aussi un petit souvenir. Croyez-vous qu'elle vous plairait si vous la connaissiez? Le 11 janvier. Je voulais vous écrire de la ville, papa, mais New York est tellement absorbant. J'y ai passé un moment fort intéressant, même profitable, mais je suis contente de ne pas appartenir à une telle famille. Vraiment, je préférerais l'asile John Grier comme toile de fond. Certes, j'ai été élevée dans des conditions plutôt fâcheuses, mais au moins n'y avait-il là aucun faux semblant. Je sais maintenant ce que veut dire être écrasé sous le poids des choses. L'atmosphère de cette maison était accablante. C'est seulement en retour dans l'express que j'ai pu enfin respirer à mon aise. Tous les meubles étaient sculptés, capitonnés, somptueux. Les gens que je rencontrais étaient superbement habillés, parlaient à voix basse et avaient de bonnes manières. Mais, et c'est la vérité vraie, papa, je n'ai pas entendu, de notre arrivée jusqu'à notre départ, un seul mot qui eût un intérêt quelconque. Je ne crois pas qu'une idée ait jamais franchi la porte d'entrée. Madame Pendleton ne songe qu'aux bijoux, couturières et obligations mondaines. Elle me faisait l'effet d'un tout autre genre de mère que Madame McBride. Si jamais je me marie et que j'ai une famille, je ferai le possible pour que mes enfants soient comme les jeunes McBride. Je ne voudrais pas pour tout l'or du monde que des enfants à moi devinssent des Pendleton. Ce n'est peut-être pas très correct de critiquer les gens chez qui vous avez été reçus. Si j'ai tort, veuillez m'excuser. Ceci est confidentiel entre vous et moi. Je n'ai vu M. Jervis qu'une fois, lorsqu'il est venu à l'heure du thé, et encore, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler seul. C'était vraiment bien contrariant. Nous avions eu de si bons moments l'été dernier. Je ne crois pas qu'il tienne beaucoup à ses parents, et je suis sûre qu'il ne tienne pas beaucoup à lui. La mère de Julia dit qu'il n'est pas bien équilibré. C'est un socialiste. Sauf que, Dieu merci, il ne laisse pas pousser ses cheveux et ne porte pas de cravate rouge. Elle ne peut pas s'imaginer où il a été chercher ses idées saugrenues. La famille, en effet, est depuis des siècles protestante orthodoxe. Il gaspille son argent au profit d'un tas de réformes idiotes au lieu d'acheter des choses raisonnables, comme des yachts, des automobiles, des ponies, de polo. Il faut dire cependant qu'il achète des bonbons. Il nous en a envoyé à Julia et à moi une boîte à chacune pour la Noël. Savez-vous que je vais devenir socialiste, moi aussi? Cela vous serait égal, n'est-ce pas, papa? Les socialistes ne ressemblent pas du tout aux anarchistes. Ils ne croient pas qu'il faille faire sauter les gens à coups de bombe. Logiquement, je suis de ce parti, j'appartiens au prolétariat. Je ne suis pas encore fixée sur la nuance. J'étudierai la question dimanche et ferai ma déclaration de principe dans ma prochaine lettre. J'ai vu une quantité de théâtres, d'hôtels et de belles maisons. Mon cerveau est un amas confus d'onyx, de dorures, de parquets en mosaïque et de palmiers. Le souffle me manque toujours un peu et je suis contente de revenir au collège et à mes livres. Je crois en vérité que je suis vraiment étudiante. Je trouve cette atmosphère de calme académique plus tonique que celle de New York. La vie de collège me satisfait pleinement. Les livres, les études, les classes régulières vous tiennent l'esprit en éveil. Et puis, quand votre cerveau est fatigué, vous avez la gymnastique et les sports de plein air, et toujours beaucoup d'amis sympathiques qui pensent aux mêmes choses que vous. Nous passons des soirées entières rien qu'à causer, causer, causer, et nous nous couchons avec la sensation d'avoir résolu définitivement quelques problèmes universels. Et, pour remplir les vides, il y a toujours un tas de bêtises, plaisanteries absurdes sur les incidents du moment. Au fond, cela nous enchante, nous apprécions si fort nos boutades personnelles. Ce qui compte le plus, ce ne sont pas les grands plaisirs, mais bien la façon de grossir les petits. J'ai découvert le vrai secret du bonheur, papa. C'est de vivre dans le présent, de ne pas éternellement regretter le passé, ni d'anticiper sur l'avenir, mais de tirer du moment même tout ce qu'il peut donner. C'est comme la culture. Vous avez la culture extensive et la culture intensive. Eh bien moi, je vais dorénavant mener la vie intensive. Je vais jouir de chaque seconde, et pendant chaque seconde, me rendre compte de ma jouissance. La plupart des gens ne vivent pas, ils galopent, ils essaient d'atteindre quelques buts loin à l'horizon. Et dans l'ardeur de la course, ils sont si haletants, si palpitants, qu'ils perdent toute la beauté, toute la paix des contrées qu'ils traversent. La première chose qu'ils discernent à la fin, c'est qu'ils sont vieux et épuisés. Dès lors, qu'importe qu'ils aient touché au but ou non. J'ai décidé de m'asseoir en route, et je veux amasser toute une provision de petits bonheurs, même si je ne deviens pas un grand auteur. Avez-vous jamais vu philosophe de ma force ? Toujours à vous, Joujou. Post-scriptum, quelle pluie ce soir ! Il tombe des hallebardes. Lundi, 3 heures. Chers camarades, hurrah ! Je suis de la secte fabienne. C'est celle des socialistes qui veulent bien attendre. Nous ne demandons pas la révolution sociale pour demain matin. Ce serait trop renversant. Nous la voulons par petits degrés successifs et dans un avenir lointain, lorsque nous serons tous prêts et capables de soutenir le choc. En attendant, il faut nous préparer en organisant des grandes réformes dans l'industrie, l'éducation et les orphelinats. À vous, en fraternel amour, Joujou.